Genèse chapitre 13. Abraham donc monta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme, et tout ce qui lui appartenait, et Lot avec lui. Et Abraham était très riche en bétail, en argent, et en or. Et il s'en retourna en suivant la route qu'il avait tenue du midi à Bethel, jusqu'au lieu où il avait dressé ses tentes au commencement, entre Bethel et Haï, au même lieu où était l'autel qu'il y avait bâti au commencement. Et Abraham invoqua là le nom de l'Éternel. Lot aussi, qui marchait avec Abraham, avait des brebis, des bœufs, et des tentes. Et la terre ne les pouvait porter pour demeurer ensemble, car leur bien était si grand, qu'ils ne pouvaient demeurer l'un avec l'autre, de sorte qu'il y eut querelle entre les pasteurs du bétail d'Abraham, et les pasteurs du bétail de Lot. Or, en ce temps-là, les Chananéens et les Phéréziens demeuraient au pays. Et Abraham dit à Lot, « Je te prie qu'il n'y ait point de dispute entre moi et toi, ni entre mes pasteurs et les tiens, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas à ta disposition? C'est par toi, je te prie, d'avec moi. Si tu choisis la gauche, je prendrai la droite, et si tu prends la droite, je m'en irai à la gauche. » Et Lot élevant ses yeux, vit toute la plaine du Jourdain qui, avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorre, était arrosé partout, jusqu'à ce qu'on vienne à Tsoar, comme le jardin de l'Éternel, et comme le pays d'Égypte. Et Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain, et alla du côté d'Orient. Ainsi ils se séparèrent l'un de l'autre, Abraham demeura au pays de Chanaan, et Lot demeura dans les villes de la plaine, et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Or les habitants de Sodome étaient méchants, et grands pécheurs contre l'Éternel. Et l'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève maintenant tes yeux, et regarde du lieu où tu es, vers le septentrion, le midi, l'orient, et l'occident, car je te donnerai, et à ta postérité pour jamais, tout le pays que tu vois, et je ferai que ta postérité, sera comme la poussière de la terre, que si quelqu'un eût compté la poussière de la terre, il comptera aussi ta postérité. Lève-toi donc, et te promène dans le pays en sa longueur et en sa largeur, car je te le donnerai. Abraham donc, ayant transporté ses tentes, alla demeurer dans les plaines de Mamré, qui est en Hébron, et il bâtit là un autel à l'Éternel.